genre idéal, ni celui qu'on trouve où je m'en sors pas mal. Métis paye de smicard, la banlieue, les transports, bref, rien de spécial. T'inquiète, ma vie à moi aussi est simple, elle est banale. Je me sens comme un singe à qui l'état ne mec des bananes. Crédit, impôt, capot, bien trop de poids sur mes épaules. Mais j'en ai marre, faut que je change de life. J'ai le sens, c'est en moi. J'en ai marre, faut que je change de life. Ah, ah, ah. Je veux des kills, je veux des choses spéciales. Phénoménal. Yeah, yeah, yeah. Non, mais non, mais non, non. Je crois vraiment que ça peut continuer comme ça. Non mais non mais non non. Si décidé je me valide et je me casse. Avant de devenir dingue. Avant de devenir dingue. Avant de devenir dingue. Avant de devenir dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. Mon allé, mon allé, mon allé. Mon allé, mon allé, mon allé. Mon allé, mon allé, mon allé. Mon allé, mon allé, mon allé. Mon allé, mon allé, mon allé. Mon allé, mon allé, mon allé. Moi je veux rêver, plus rêver de vivre. Plus de formatage à coup de mémoire vive. Illusion, promesse, la recette. Mon disque dur ne veut plus de vos disquettes. Fini la défense, j'ai changé de crampon. Je passe à l'attaque, la vie, je vais lui mettre des crampons. Tous mes projets sont sur le qui-vive. Stop la galère, donc ils m'aiment me suivent. Mais j'en ai marre, faut que je change de life. J'ai le sens, c'est en moi. J'en ai marre, faut que je change de life. Ah, ah, ah. Je veux des kills, je veux des choses spéciales. Phénoménal. Je crois vraiment que ça peut continuer comme ça. Non mais non mais non non. Si décidé je me valide et je me casse. Avant de devenir dingue. Avant de devenir dingue. Avant de devenir dingue. Avant de devenir dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. Mon allé, mon allé, mon allé. Mon allé, mon allé. Mon allé, mon allé, mon allé. Mon allé, mon allé. Mon allé, mon allé, mon allé. Ça peut continuer comme ça. Non mais non mais non non. Si décidé je me valise et je me casse. Avant de devenir dingue. Avant de devenir dingue. Avant de devenir dingue. Avant de devenir dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. Mon allé, mon allé, mon allé.